Sinistre litanie. Toujours cette rengaine assénée chaque jour quant au nombre de ceux disparus dans la nuit. Sinistre litanie d'existences enfuies que ne sauvera plus jamais aucun discours. Ainsi, de jour en jour, le peuple se méfie du fiel de ces mots savamment prononcés sur les hautes tribunes ou les écrans glacés par des inconsistants qui s'auto-glorifient. Les voit-il seulement ces défunts annoncés, listes quotidiennes de fins accumulées, qui sont autant d'échecs sans honte stipulés par ceux qui, fièrement, ont tout cadenassé? Ils sont femmes, ils sont hommes, vieillards ou nourrissons, individus en somme, et non des unités, qui tous furent bloqués dans leurs activités, enfermés dans la nasse, tel un banc de poissons. Auront-ils aussi gravé au frontispice de nos mémoires défaillantes leur nom en or comme les suppliciés des conflits homophores, plutôt qu'être un débit d'une calculatrice ?